La délégation du conseil du fonds Kim Il-sung, Kim Jong-il et de ses membres a visité Mangyongdae, pays natal du président Kim Il-sung, le musée d'état des présents, le musée de la nature, le zoo central et le palais des enfants de Mangyongdae.